time of my life. It's just got you doing it. The music. I mean, the woman, music is perfect. Dans ma voix, il y a celle de ma voisine, celle qui dit que je vois le matin. Il y a l'accent de ma ville, il y a la voix timide de moi gamin. Le chuchotement de la faucheuse et de ceux qui croisent mon chemin sous un sol pleureur, arrosé par un canal de larmes. Comme toi j'ai peur, donc serre-toi, voilà un peu de mon âme. Je rime, mais je ris rarement. Je sais que j'ai tort, je sais pas ce qui me lie avec mon frère, mais je sais que c'est fort, rusé. J'ai fait le mort pour voir qui sont les vautours. Dans la fusée, j'ai sprint d'un astronaute sur le chemin retour. Tous les jours c'est carnaval, je ne vois que des gens déguisés. C'est marrant quand t'as du blé, t'habites au champ. Zélise et je combats la déprime, mais c'est un match rapide. Elle m'a eu comme ces moustiques que t'écrases, mais qui t'a déjà piqué. L'esprit du travail, c'est boire du vin devant sa vie. Mes phrases m'amènent au bout du monde, donc je suis pilote de ligne. L'avenir est un long fleuve tranquille, l'amour une rivière. Je me sens plus en vie qu'un enfant né dans un cimetière. J'accepte mes erreurs, même les génies s'affrontent. Je veux faire de la trompette sur la lune, comme Neil et Louis Armstrong. Ma mère m'épaule, dans le reflet de mon père dans son sourire. Promis bientôt c'est fini, le patron, les stress, les soupirs. Flashback et souvenirs, mes premiers freestyles. L'avenir me rend fou, donc je dis que je perds la boule. Je cristal, ça. Faut que tu traces, fais gaffe, l'argent t'efface. Indifférent comme un aveugle aux portes de Las Vegas. Je me méfie des hommes, j'ai compris qu'ils partaient en vrille. Depuis qu'ils ont coincé la statue de la liberté sur une île. Si du 21e siècle, je crois bien que la bêtise m'a eu. Si ce poète seul dans le cercle, regrettant les disparus. Le temps me file entre les doigts, on me l'a répété 100 fois. Assis à l'art et j'ai compris que le bus démarre, et avec ou sans moi. Sale décor, on est con, on déconne. Sur les termes de la caissière de Lidl, je lui bosse l'école. Mais les tubes dans mon iPod me rappellent qu'un couple échange la donne. Toujours le même, j'attends l'appel. D'autres attendent la bonne. Big Flo est un génie, je dois forcément l'être un peu. Je me vois 6 ans devant la bougie, les gens me crient, on fait un vœu. Je réalise, je pensais pas que ça serait si beau. Depuis je lis, mon cœur de pierre sur papier. Ciseaux, je suis bizarre. Et dis-moi ça, comment y'en a pas des milliards. Je suis capable d'être tué, percuté par un corbillard. Mais d'ici, je compte emporter plein de souvenirs. J'ai marqué vivre sur la liste des choses à faire avant de mourir. Ouais, je vais me bouger, déranger ce bazar. Car le hasard fait bien les choses, mais on ne fait jamais de choses. Bien par hasard, des milliers d'années autour de l'épée d'Arthur pour la décrocher. J'ai réfléchi, je suis reparti avec le rocher. Au lit arrive. Ouais, nos légendes ont morflé. Seul dans mon lit, je fais des bras de fer avec morphée. Puis je coupe pas de dire tout haut ce que je pense tout bas. Fan de Claude Nougaro, je bouge la tête sur du couba. On fera jamais partie de ces types qui triment et qui vivent là. Lui parler de bif, m'ennuie, j'écris des lignes. Loin des délires de B.I. J'ai juste besoin d'un big, du public, d'un beat, d'une batterie qui claque. Mon stylo speed, à chaque fois, j'assois les M qui passent. Envers et contre tous, à l'envers et à l'écoute. Je battle contre moi-même devant le miroir et je perds à tous les coups. Je suis ses yeux d'enfant. Devant une scène d'épouvante, un jour, j'irai me noyer dans la fontaine de jouvence. Y a pas de paix dans le nom Gandhi, pas de haine dans Hitler, donc juge pas sur un blaze. Et appelle-moi juste petit frère, tu la jeunesse en personne, ces dinosaures sont avares. Je forme le fond et font la forme, je suis philosophe sans la barre, je suis philosophe sans la barre, je suis philosophe sans la barre.